en Amérique. Sur le fauteuil, ça twerk. T'aspires en loup boutin, pas très pudique. J'ai fait Gucci et la perte c'est Dolce. La richesse à Poutine, un pour la noche. T'as remis, y'a du mal pour le loyer. Tu remets une bouteille pour les noyer, hein. Rien à prouver, but, j'consomme mon verre au bar. Sans faire exprès, ma Rolex sur la roda. Tu sais qu'on pèse plus que et que j'vends des disques. Même pas besoin de disquettes pour que tu viennes twerker au bar. Ils sont tous à fond qu'on est même pas encore au quart. Arrête de faire le bon, j'y vends du shit même pas rentable. Tu marches la tête haute parce que t'as pris deux balles en cash. Frérot, t'as 30 ans, tu dors encore chez tes remparts. Pépra. Qu'est-ce à faire le bandit? Qu'est-ce à faire le bandit? Je sais que t'es gentil. On sait que t'es gentil. Qu'est-ce à faire le bandit? Qu'est-ce à faire le bandit? Je sais que t'es gentil. On aime les frères straight, les bonhommes qu'assument encore. Pourquoi tu fais le fou, passe la soirée et viens en sort. Arrête de te montrer, t'auras de la baraka. Et en plus de ça, aucune meuf bonne à la table. Fin de boîte, tes meufs, c'est boire en itch. Tu vas rentrer bredouille, c'est garanti. Phuket, Marrakech, chaque année tu mets le prix. Et t'as pris du beat, t'es en haise, ouais, j'bois du cidre. Reste simple, tu vas se bella plus mignonne. Miskin, gros train de vie, mais pas le million. On va bosser dur pour la CB All Black. Pour la CB All Black, on fera pas de mal à wesh, gardez votre calme. Mais si tu crois qu'on blague, on mettra le double à votre table. Tu lèves le magnum et la grosse folle observe. Elle s'est fait tourner de Saint-Saint-Denis au Haut-de-Seine. Qu'est-ce à faire le bandit? Qu'est-ce à faire le bandit? Je sais que